Il est impossible d'être mécréant en l'apparence et croyant dans le cœur en même temps, sauf sous la contrainte. Ceci est ce qui différencie Ahl Sunna des Murji'a. Les Murji'a désignent que lorsqu'un homme devient mécréant en l'apparence, en insultant Allah ou en se prosternant pour une idole, il est mécréant en l'apparence, mais il peut tout de même être croyant dans son cœur, et donc au paradis, dans l'au-delà. Ibn Taymiyyah dit, quant aux deux attestations de la foi, celui qui ne les prononce pas, alors qu'il est capable de le faire, il est mécréant à l'unanimité des musulmans. Et il est mécréant dans son cœur quand l'apparence, d'après les salafs de la communauté, et ses imams et la majorité des savants. Mais un groupe de murji'a, qui sont les jahmiya, parmi les murji'a tels Jahm ibn Safwan, et Salihi et leurs disciples qui sont d'avis que si cette personne admet la vérité dans son cœur, alors c'est un mécréant en l'apparence, mais pas dans son cœur. Et il dit, de même ceux qui sont de l'avis de Jahm et de Salihi ont clairement dit qu'insulter Allah et son messager et professer la Trinité ainsi que toute parole de mécréance ne sont pas mécréances du cœur, mais bien une marque de mécréance apparente. Ainsi, il est possible, d'après eux, que celui qui insulte et blasphème puisse connaître Allah dans son cœur et être monothéiste et avoir foi en lui. Puis il dit, et certes, nous savons que celui qui insulte Allah et son messager de son plein gré sans être contraint, et plus, celui qui tient quelques propos de mécréance, que ce soit de plein gré et sans contrainte, ainsi que celui qui se moque d'Allah ou de ses versets ou de son messager, c'est un mécréant dans son cœur qu'en l'apparence. Et nous savons que celui qui prétend qu'une telle personne puisse dans son cœur avoir foi en Allah, mais qu'il est mécréant en l'apparence uniquement, c'est un avis dont la fausseté est forcément connue dans la religion. Puis il dit, lorsque le cœur est persuadé de la véracité du messager, et qu'il est le messager d'Allah, et qu'il aime le messager d'Allah et le vénère, il est possible qu'il puisse en même temps le maudire et l'insulter. Il est inimaginable qu'il puisse faire ça sans avoir dans le cœur une forme de mépris envers lui ou envers sa sacralité. Les Murji'a prétendent donc que lorsqu'un homme libre et conscient insulte Allah ou prononce une quelconque mécréance claire, il est mécréant en l'apparence, mais pas forcément dans son cœur. Alors que les gens de la Sunna disent qu'il commet de la mécréance comme insulter Allah ou adorer une idole sans y avoir été forcé sous la contrainte. C'est qu'il est forcément dans son cœur mécréant. Soit parce qu'il aime la mécréance, soit parce qu'il méprise l'islam, ou soit parce qu'il préfère ce bas monde à l'au-delà et commet de la mécréance pour obtenir une jouissance mondaine. Quelle que soit la raison qui le pousse à le faire sans y être contraint, il est forcément mécréant dans son cœur. Alors lorsqu'on sait que les Murji'a furent des hérétiques et furent jugés mécréants par les salafs pour avoir prétendu que celui qui insulte Allah peut en même temps avoir la foi dans son cœur, bien qu'il soit mécréant en l'apparence, que dire de ceux qui aujourd'hui affirment que celui qui insulte Allah librement et consciemment n'est ni mécréant dans le cœur ni en l'apparence, mais au contraire un musulman pervers? Les preuves de cette règle. Première preuve, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les actes ne vont qu'avec les intentions, rapporté par Bukhari Muslim. Ce hadith est une preuve catégorique que les actes sont le fruit d'une intention, et l'intention est la racine de la foi. Deuxième preuve, Allah a dit, quiconque mécroit en Allah après avoir cru, sauf celui qui est contraint, alors que son cœur est rassuré sur la foi. Mais celui qui ouvre son cœur avec la mécréance a sur lui la colère d'Allah et a un grand châtiment. Sourate 16, verset 106. Troisième preuve, Allah dit, est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous êtes devenu mécréant après avoir eu la foi. Sourate 9, verset 65-66. Ces versets sont une preuve catégorique et formelle, que celui qui commet de la mécréance sans y être contraint, il a ouvert son cœur à la mécréance et a mécru après avoir eu la foi. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit au sujet de ces versets, c'est pourquoi la parole extérieure fait partie de la foi sans laquelle un homme ne peut être sauvé, et ceci d'après l'ensemble des prédécesseurs et des successeurs parmi les premiers et les derniers, excepté les Jahmiya, Jahm et ceux qui l'ont approuvé. En effet, dans l'hypothèse où une personne est excusée à cause qu'il est muet, ou car il a peur de son peuple qui lui ferait du mal, s'il manifestait l'islam ou quelque chose comme ça, dans ce cas, il est possible qu'il ait la foi dans son cœur sans rien prononcer de sa langue, tout comme celui qui est contraint de prononcer une parole de mécréance. Allah a dit, sauf celui qui est contraint, alors que son cœur reste rassuré sur la foi. Mais quiconque ouvre son cœur avec la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah et ont un terrible châtiment. Or, ce verset indique la décadence de la vie de Jahm et de ses adeptes. Car ce verset a classé toute personne qui tiendrait des propos de mécréance parmi les mécréants menacés. Sauf celui qui est contraint et dont le cœur est rassuré sur la foi. Et si on dit, mais Allah a dit, mais quiconque ouvre son cœur avec la mécréance, on répondra alors, ceci concorde avec le début du verset, car celui qui commet de la mécréance sans y être contraint, il a ouvert son cœur avec la mécréance. Sinon, le début du verset contredirait la fin. Et si cela voulait parler de celui qui commet la mécréance en ouvrant son cœur, et que cela puisse arriver sans être sous la contrainte, alors le verset n'aurait pas fait exception pour le contraint. N'aurait pas fait exception pour le contraint uniquement, mais il aurait fallu excepter le contraint ainsi que celui qui n'est pas contraint et qui commet de la mécréance sans ouvrir son cœur à la mécréance. Lorsqu'il tient des propos de mécréance par opportunisme, il a ouvert son cœur avec la mécréance et ceci est une mécréance. C'est ce que nous enseigne la parole d'Allah. Les hypocrites craignent que ne soit révélée une sourate qui révèle ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous seulement. Allah exposera ce que vous craignez. Et si tu leur demandais, ils diraient assurément, nous ne faisions que bavarder et blaguer. Et dit, c'était, est-ce d'Allah de ses versets et de son messager que vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à une partie d'entre eux, nous châtirons une partie, car ils furent criminels. Sourate 9, verset 64-66. Allah nous a annoncé qu'ils sont devenus mécréants après avoir eu la foi, malgré qu'ils ont dit, nous avons tenu ces propos impies sans y croire, mais nous blaguons et bavardions. Et Allah exposa que se moquer de ces versets est une mécréance, et que cela ne peut subvenir que d'une personne ayant ouvert son cœur avec la mécréance. Car s'il y avait la moindre foi dans son cœur, elle l'aurait empêché de tenir ce genre de propos. Lorsque le croyant se trouve entouré de mécréants et de débauchés, il n'est pas tenu de les combattre de ses mains alors qu'il est impuissant, mais il est tenu de le faire de sa langue, s'il en est capable. Sinon, il le fait de son cœur, sans pour autant mentir et dire de sa langue le contraire de ce qu'il croit dans son cœur. Il doit soit montrer sa religion, soit la cacher, sans pour autant s'accorder à leur religion. Au pire des cas, il sera comme le croyant des gens de Pharaon ou la femme de Pharaon qui ne s'accordait pas à toute leur religion et ne mentait pas en disant de leur langue ce qu'ils ne croyaient pas dans leur cœur, mais ils cachaient leur foi. Et le fait de cacher sa religion est une chose, mais manifester une religion fausse est une autre chose. Cela, Allah l'a totalement interdit, sauf dans un seul cas, la contrainte. Là, il lui est permis de prononcer des propos de mécréance. Ibn Taymiyyah aussi dit « Insulter Allah et insulter son messager est assurément une mécréance extérieure et intérieure. » Et ça ne change rien que l'insulteur croit en l'interdiction de ce qu'il a dit ou qu'il croit que c'est permis ou qu'il ne se soucie pas d'y croire. Et ceci est la doctrine des juristes et de tous les sunnites qui professent que la foi est parole et acte. Ibn Taymiyyah dit « Ce qui consiste en une mécréance dans les actes extérieurs. » Comme se prosterner pour une idole, ou insulter le messager, ou les choses de ce genre. C'est uniquement parce qu'elle est indissociable de la mécréance intérieure. Ainsi, nous savons que celui qui dit qu'un homme qui commet de la mécréance sans être sous la contrainte est mécréant en l'apparence, mais pas forcément dans le cœur, c'est un murji jahmi. Celui qui dit qu'un homme qui commet de la mécréance sans être sous la contrainte, il est mécréant tant en l'apparence que dans son cœur. C'est un sunnite. Celui qui dit qu'un homme qui commet de la mécréance sans être sous la contrainte n'est ni mécréant extérieurement ni intérieurement, il est pire qu'un jahmi et plus égaré encore, comme c'est le cas de la tendance des pseudo-salafis tels Mohamed el-Albani et ses semblables. Point à retenir, la mécréance de l'acte est toujours liée à la mécréance du cœur, sauf sous la contrainte ou lorsque l'acte est à la base involontaire. Ceux qui disent que la mécréance de l'acte n'est pas toujours liée à la mécréance du cœur sont des Jahmiyyah. Ce qu'explique Ibn Taymiyyah, c'est que s'il était possible de commettre de la mécréance sans pour autant ouvrir son cœur à la mécréance, même sans être contraint, alors Allah n'aurait pas fait exception uniquement pour le contraint, mais il aurait fait exception de tous les autres cas où il aurait été possible de commettre de la mécréance sans ouvrir son cœur à la mécréance.